Et en plus du 24 au 30 juin, une extension de garantie à 4 ans sur nos véhicules de stock. Profitez vite des quick deals chez Citroën. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Vous écoutez Vivacité, les 8h30. Vivacité. Le journal des sports. Ah, Christophe Reculé ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Serge. Et on commence par le foot et l'Euro avec le début des huitièmes de finale. Oui, après deux jours de repos pour l'ensemble des équipes, début aujourd'hui de la phase à élimination directe avec trois matchs au programme aujourd'hui. Et le premier à 15h entre la Suisse et la Pologne. Une rencontre entre deux défenses solides. Un seul but encaissé côté Suisse en trois matchs et aucun côté polonais. Ce qui étonne même le défenseur Kamil Glik. Franchement, ça me surprend même un peu. Pour beaucoup, la faiblesse de notre équipe se trouvait justement dans la défense. Je pense que moi, mais aussi beaucoup de mes coéquipiers, on n'aurait jamais cru sortir des poules avec 7 points et aucun but encaissé. C'est clair, avant le tournoi, on n'y croyait pas. La Pologne qui espère enfin compter sur son buteur Robert Lewandowski, toujours muet, ce qui est loin d'être le cas, Christophe, de Gareth Bale. Non, puisque le Gallois qui affrontera lui l'Irlande du Nord pour un duel 100% british à 18h en est déjà à 3 buts pour sa sélection. It's been an amazing experience. Ces trois buts en trois matchs, c'était génial. J'ai toujours voulu vivre ça avec ma sélection nationale. Quand j'ai commencé à jouer avec le maillot gallois, mon rêve était de qualifier mon pays pour un grand tournoi. Maintenant, j'y arrive et on fait de bons résultats avec tous ces mecs qui sont mes amis. C'est une expérience incroyable. Tout ce dont j'ai rêvé pour ce tournoi arrive. Maintenant, il faut juste espérer que l'on va pouvoir aller encore plus loin dans la compétition. Et enfin, dernier match entre la Croatie et le Portugal. Oui, on ajoutera aussi que pour le Pays de Galles, le vainqueur de ce match entre le Pays de Galles et l'Irlande du Nord en cas de qualification, ce sera contre la Belgique en quart de finale. Et en effet, ce dernier match à 21h, la Croatie qui a laissé une très bonne impression, ce sera face au Portugal. En face, évidemment, Cristiano Ronaldo qui a littéralement qualifié son équipe lors du dernier match. Alors, comment le contrer? Vredan Korluka, le défenseur croate. C'était juste une question de temps avant qu'il n'entre complètement dans son tournoi. Il a peut-être moins bien joué dans les deux premiers matchs, mais c'est Ronaldo. Comment l'arrêter? Eh bien, j'espère que nous serons tous unis, un vrai bloc équipe, car je pense que seul, personne, aucun défenseur ne peut l'arrêter. On doit le surveiller de près, faire de notre mieux et prendre des conseils auprès de Luka Modric, qui est son équipier au Real. On va voir ce qu'il peut nous dire. Voilà pour les premiers match des huitièmes de finale à suivre, bien entendu, sur tous les médias de la RTBF. Et pour nos diables, la préparation continue. Et on rappelle qu'ils joueront demain 21h contre la Hongrie. Ils partiront d'ailleurs ce matin de leur camp de base bordelais pour Toulouse, en bus d'ailleurs, puisqu'il n'y a que 250 km à parcourir. Un match qui sera aussi le premier à élimination directe, on l'a dit, et donc avec une possible séance de pénalty. Un exercice que les joueurs de champ prépareront, mais aussi le gardien Thibaut Courtois. Non, j'ai quelques tactiques, j'ai aussi appliqué à Chelsea toujours, et que ça va bien à l'entraînement. Ok, bien sûr, après, si c'est bien tiré, tu peux rien faire, mais on regarde les vidéos, on essaie de voir qui a tiré les pénalties. Peut-être quand il y a des tirs au but, on doit voir qui peut encore tirer les pénalties, parce que normalement, le principal, c'est Dujac, mais j'espère qu'on va gagner le match avant ça. Interview signée Thierry Luters. Et puis cette petite polémique autour de Rajan Nainggolan. Oui, puisque le Diable Rouge a été photographié fumant une cigarette, ce qui est évidemment toujours interpellant pour un sportif de haut niveau, bien que ce soit loin d'être une exception dans le football. On se rappelle entre autres de Zinedine Zidane fumant une cigarette la veille de la finale de la Coupe du Monde contre l'Italie en 2006. Marc Wilmots a réagi à cette petite polémique, une interview exclusive RTBF. Je pense que le garçon, il a besoin de fumer. Je ne sais pas combien il fume. C'est pour ça que je m'arrange toujours d'avoir une chambre avec balcon pour lui. En Italie, c'est normal. En France, c'est normal. Je pense que si je l'empêche de fumer 5-6 clopes, je pense qu'il va casser la chambre. Donc, ce n'est pas la peine. Moi, tant que sur le terrain, il preste, j'ai aucun problème avec ça. Je ne suis pas son père, je ne suis pas sa mère. Attends, s'il fume depuis 10 ans, déjà, je ne vais pas lui interdire. Je pense que ça ne va pas aller. Je suis assez tolérant, j'accepte les gens dans les règles de groupe. Il n'y a aucun souci. Il est tout le temps à l'heure, il est tout le temps là. Et c'est parfait. Interview exclusive RTBF signée Vincent Langenris. À noter que les Diables s'entraîneront aujourd'hui à 16h30. Alors voilà pour cette large page Euro. On passe à présent au sport moteur et le rallye de Ypres, Christophe. Oui, c'est le sommet de la saison belge des rallyes. On devrait retrouver dans quelques secondes Pierre Capard qui sera en direct depuis Ypres. Une première journée qui a tenu toutes ses promesses. Freddy Loax est entre autres deuxième pour le moment à 6 petites secondes du leader. Je pense qu'on a un petit problème pour le moment. On devrait avoir Pierre Capard dans quelques instants en direct de Ypres. Voilà, Pierre. Est là. Bonjour, bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Oui. Voilà, on l'a dit, première journée hier qui a tenu toutes ses promesses. Christophe, c'est des allées-servaissances ici sur la grande place d'Ypres, alors que le départ de cette deuxième journée de rallye ne sera donné que dans 2 heures. Une seconde journée qui s'annonce passionnante et indécise. Pas moins de 6 pilotes peuvent toujours prétendre à la victoire. Des pilotes belges, dont Freddy Loax bien sûr, mais aussi des ténors européens. Il faut dire que la première journée a été très disputée. 30 secondes à peine séparent les 5 premiers. Alors en tête, eh bien, on retrouve Brian Bouffier, très à l'aise ici dans le Westouk, au volant de la S3 R5, le français qui participe au championnat d'Europe, devance notre Freddy Loax national de seulement 6 secondes. De Loax sur la Skoda Fabia qui entend bien conforter sa place de leader ici du championnat de Belgique. Il est le spécialiste de ce rallye et ce joli bras de fer entre ces deux pilotes expérimentés et talentueux devrait se poursuivre aujourd'hui. Vincent Verscure, l'invité surprise, occupe la 3e place sur Skoda lui aussi à 17 secondes devant Chris Prinsen et sa Peugeot 208, le grand rival de Freddy Loax, le championnat national qui suit à 23 secondes. Et pour compléter ce Big Five, eh bien, le français Stéphane Lefebvre sur Citroën DS3 estampillé WR, pilote WR. Il est à 30 secondes de Bouffier. Il a d'emblée trouvé ses marques ici à Ypres. Signalons enfin que Ben Kazir, le régional de l'étape sur la Ford Fiesta, suit à 40 secondes du leader. Il n'a donc pas encore dit son dernier mot. Voilà Christophe, le suspense est entier avant d'entamer cette ultime journée d'une épreuve qui reste assurément le must de la saison belge des rallyes. Merci Pierre, en direct du rallye de Ypres. À noter toujours en sport moteur, mais en MotoGP, que les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas aura lieu aujourd'hui à peu près 14h. Et enfin, les JO, c'est pour dans quelques jours maintenant. La délégation s'étoffe un peu plus. Oui, puisque la sélection de notre équipe de hockey est désormais connue pour les JO dans un peu plus d'un mois. Des hockeyeurs qui font partie de nos chances de médailles, malgré les derniers résultats décevants, comme en Champions Trophy, un tournoi prestigieux où les Belges n'ont fini que 5e. On écoute le capitaine John Domen. On rend un tournoi qui n'a pas été facile pour nous, mais qui était le lancement d'une préparation. Donc on reste confiant malgré les résultats un peu décevants. Donc voilà, on est extrêmement motivés, extrêmement solidaires. La concurrence a été très saine jusqu'à aujourd'hui avec l'annoncement de la sélection. Donc tout se passe très bien, l'ambiance est très bonne. Et puis encore un petit mot d'athlétisme après cette interview signée François Zaleski. C'est ce week-end que se dérouleront les championnats de Belgique d'athlétisme. L'occasion de réaliser les derniers minima pour l'Euro d'Amsterdam qui débute dans 11 jours. Voilà, merci pour ce journal des sports, Christophe Reculé. Belle journée à vous. À vous. À tout bientôt. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. UEFA Euro 2016. Ce samedi, début des 8e de finale. À 15h, Suisse-Pologne. À 18h, Croatie-Portugal. Et à 21h, Pays de Galles, Irlande du Nord. But après but avec la rédaction des sports. Et dès 18h avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Viva Weekend. Jusqu'à 9h sur Vivacité. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là? Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. Heureux. Mais il y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles. C'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risque de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Si vous êtes comme moi, mais en tout cas, c'est cette chanson qui va rester dans la tête toute la journée, comme d'habitude. Hein. Christophe Maé, il est où le bonheur? Il est où? Ben, il est là. Ben oui, et tant mieux, 8h42. Elle a l'habitude d'être avec nous dans cette émission Viva Weekend, il ne va pas son privé. C'est Sandrine Teiss des éditions Racine. Bonjour Sandrine. Bonjour Serge. C'est dire qu'on va parler livres. Alors aujourd'hui, une séquence pas tout à fait comme les autres. On va parler vente, grande vente de livres et de papeterie à des prix réduits de toute une série d'éditions, dont la vôtre, les éditions Racine. Ça se passe depuis mercredi et ce jusqu'à demain dimanche au Palais des Académies. Si je me trompe, c'est juste en face du Palais Royal, quelque chose comme ça. Hein, c'est à Bruxelles. Alors c'est intéressant cette grande vente de livres, parce qu'on peut, retrouver des livres de jeunesse, des guides de voyage, des livres de texte, etc., des beaux livres, de la papeterie, avec des remises de 50 à 75% sur le prix public. C'est assez extraordinaire ça, dites-moi Sandrine. Ah ben oui, tout à fait, c'est vraiment fabuleux. Donc si vous avez envie de faire des achats avant les vacances, ben, je vous conseille de venir là, parce que vous allez retrouver tous ces livres qui sont complètement neufs, ou avec parfois une petite griffe ou quoi, avec effectivement des remises incroyables. Hein. Donc, profitez-en. Oui, c'est jusqu'à demain dimanche. C'est la huitième édition de cette grande vente de livres. Oui, on a rencontré vraiment le succès du public. Il y a un public fidèle qui vient chaque année. Et donc, c'est vraiment l'occasion de trouver des livres, comme je vous dis, avec 50 ou 75%. Ce sont des livres parfois qui ont 2 ou 3 ans, mais parfois ce sont des livres qu'on ne peut plus remettre dans le commerce juste parce qu'ils ont une petite griffe. Et donc, vous avez ce magnifique livre qui peut être un livre de patrimoine, un livre de texte, enfin, n'importe quel livre. Mais donc, c'est vraiment très gai de pouvoir profiter de ces offres-là. On rappelle, ça se trouve au Palais des Académies. C'est pas loin du Palais Royal, c'est donc à Bruxelles, c'est jusqu'à demain de 10h à 18h. Il y a toute une série de maisons d'édition qui se donnent rendez-vous là. Hein. Oui, mais bien sûr, donc il y a notre maison mère, l'ANO, mais on s'associe également avec Milan et Bayard qui font le livre de jeunesse. On a les éditions Michelin, alors vous pouvez retrouver toute une série justement de guides, les cartes et tout, qui datent simplement de l'année passée, mais et qui sont avec 50 ou 75% de remise. Vous avez les éditions Alice qui sont les éditions de jeunesse, CFC spécialisées en patrimoine bruxellois, ou 180 éditions également sur le patrimoine et Nivikata qui sont des éditions de voyage. Donc vous avez vraiment un large choix et il y a aussi, comme vous disiez, la papeterie avec par exemple des cartables d'une collection de l'année passée mais qui sont tout à fait neufs que vous pouvez retrouver aussi avec 50% de réduction. Et vous l'avez dit, il y a aussi des guides de voyage, d'art de vivre, des livres de jeunesse. Il y a vraiment pour tous les goûts, hein, Sandrine. Ah oui, oui, là vous pouvez on peut faire son marché là. Hein. Voilà, vous venez et puis alors là vous avez toutes des idées pour les vacances et tout. C'est parfait justement avant un bel été. Bien, ça se passe au Palais des Académies. C'est un bel endroit, ça, dites-moi. Ah, c'est magnifique, c'est juste en face du palais du roi et du parc royal. Effectivement, vous avez les écuries royales, justement, particulièrement, où on fait le site, et c'est un très très bel endroit. Bien, parfait. Et si vous voulez tout découvrir, n'hésitez pas, vous pouvez prolonger cette interview en allant visiter le site www.racine.be, et là, vous aurez toutes les infos pratico-pratiques de cet événement, vente de livres et de papeterie, donc à Bruxelles, jusqu'à demain dimanche, de 10h à 18h, au Palais des Académies, donc à Bruxelles. Merci Sandrine, et à tout bientôt. Merci beaucoup Serge, je vous souhaite une excellente journée. Bonjour, c'est Jordan Lukaku. Comme Vivacité, je suis complètement foot sur Vivacité. Bonjour, c'est Jordan Lukaku. Comme Vivacité, je suis complètement foot sur Vivacité. Allons, sont feignants, les seniors sont dépassés. Ça te fait bondir, non? Si je te dis que chez Doravé c'est cher, ça devrait te faire le même effet. Ne te fie pas aux clichés, va vérifier. La vérité, c'est que chez Doravé, ils ont le sens du conseil, du service et du suivi client. Et c'est vraiment pas plus cher. Doravé, vente, installation et dépannage en électroménager. 5 boulevard Franquignoul à Liège, à deux pas de la Médiacité. Parking relax. La maison Doravé fait partie du groupe Sélection et ses 168 magasins en Belgique. 6h, 9h. Viva Weekend. c'est le titre de cette chanson, 74-75, les Connells. Nous étions là en 1995. Ah, j'aime beaucoup cet invité, c'est Pierre Luthers. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Liège, la conviviale, Liège, la chaleureuse, Liège, la gauloise, le village gaulois de Liège. Ben, c'est en ce moment, hein, c'est depuis le 23, c'est-à-dire hier ou avant-hier, jusqu'au 17 juillet. C'est une véritable institution dans la cité ardente. Pierre, c'est la 22e fois ce village gaulois? Oui, 22e fois, nous sommes donc le village gaulois en 95, l'année de la chanson qui vient de passer d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est une belle idée. Ouais. C'était l'idée en fait d'Alain Laroche, qui était président des Amitiés Françaises, qui m'a suggéré de lancer un événement à Liège qui allait précéder les fêtes du 14 juillet qu'il organise avec son comité des Amitiés Françaises. À Liège, la ville où on fête depuis le 14 juillet au Hexagone, en fait, où il y a feu d'artifice magnifique et des festivités. Et le village gaulois, au départ, en tout cas, est magnifique et des festivités. Et le village gaulois, au départ, en tout cas, est monté jusqu'à culminer au 14 juillet. D'accord. Maintenant, le village gaulois s'est prolongé, ça dure plus de 3 semaines. Oui. Mais ça m'étonne pas de vous de prolonger les bonnes choses, hein. Pierre Luthers. Ben oui, tout à fait. Bien. Alors, avec vous, on se trouve à Liège, et on se trouve, c'est la place Saint-Paul, c'est ça le village gaulois? Sur la place Saint-Paul, c'est une place bien délimitée, tout près du cœur du cœur commercial de Liège, du carré aussi. Ouais. Donc c'est une place vraiment qui est fort arborée aussi. Donc quand il fait beau, qu'on est en été, nous sommes un peu à l'ombre des arbres de la place Saint-Paul, près de la fontaine, près des pistes de pétanque, tout ce qu'on a installé. Ah, pour créer une ambiance un peu sympa, avec des bruits des cigales et une ambiance un peu... On peut l'entrer dans les vacances, hein, c'est l'entrée des vacances pour ceux qui vont partir... Alors, une bonne surprise, il y a une quarantaine de chalets qui vous proposent des produits de bouche, jambon à l'os, magret de canard grillé, des produits du sud-ouest, incontournables évidemment, les croustillons, les tartiflettes savoyardes, les raviolis artisanaux, dites donc, ça donne faim déjà, hein. Et puis, sans oublier les boissons, évidemment, du vin, des bières artisanales, il y a tout ça, hein. Mais c'est un mélange de produits français et de produits wallons, en fait. On a réuni des produits français, de fait, toutes les régions de France. On décide à les nouveautés. Il y a des produits qui viennent du Limousin ou du Roussillon. Ça, c'est les deux nouveautés françaises cette année-ci. Du côté wallon, sur des charcuteries artisanales, des salaisons, des fromages, du Pays d'Herve, qui sont présents notamment, qui viennent rejoindre un peu la farandole des autres produits bien classiques que l'on connaît au village. Ouais. Quel est le type d'ambiance? C'est super sympa, évidemment. C'est liégeois, tout ça, hein. Ben c'est fort liégeois, c'est l'esprit liégeois, c'est l'esprit convivial, l'esprit chaleureux. Mais on remarque que le village gaulois l'autorité commence à grandir, en fait, et que les gens viennent de plus en plus loin pour participer à cette ambiance-là. C'est une ambiance vraiment bon enfant, qui a comme son nom avec village gaulois, c'est le seul qui résiste à l'euro de foot, par exemple. Hein. Il y a beaucoup d'alliés de villages de football à gauche, à droite pour l'euro. Chez nous, il n'y a pas de football. Hein. C'est un choix, une stratégie avec la ville de Liège. Ouais. C'est un village convivial, festif, et nous sommes un peu... Nous sommes là vraiment entre les matchs, mais nous résistons bien. D'accord, parfait. C'est jusqu'au 17 juillet, c'est donc à la place Saint-Paul, c'est à Liège. Avant de se quitter, Pierre, il y a un site internet où on peut tout découvrir? Oui, c'est le site villagegaulois.be, simplement. Mmh. Ou alors, cette année-ci, on a une forte action sur les réseaux Facebook, notamment. Ah, d'accord. On a des petits films, des photos à 360 degrés qui montrent un peu le village. Donc, on peut facilement retrouver sur Facebook la page Village Gaulois et rejoindre la grande famille qui nous suit sur Facebook. Ouais, j'ai vu un témoignage d'ailleurs du patron du Tour de France, hein. Nous avons accueilli le Tour de France il y a quelques années à Liège. Le départ avait lieu juste en même temps que le départ du village gaulois, en fait. Et donc, on a eu Arnaud Vacchi, Bernard Hinault, Bernard Thévenet. Le grand patron Christian Prudhomme qui était venu faire la fête avec nous. Il y a un chouette témoignage. De Christian Prudhomme là-dessus d'ailleurs. Ok, parfait Pierre. Merci en tout cas. Et bah, on vous souhaite une belle réussite pour ce village gaulois à Liège jusqu'au 17 juillet à la place Saint-Paul. Merci, merci. À tout bientôt Pierre. Voilà, bientôt, oui, au revoir. Partie plongée, la bonbonne d'oxygène vous tombe sur l'orteil? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europassistance.be, you live, we care. Faites des desserts amusants avec vos enfants. Découvrez comment chez AVV. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Le rendez-vous dominical par excellence, c'est la Batte. Alors ne manquez pas celle de ce 26 juin, car la Batte passe la Meuse pour s'étendre rive droite au milieu de 300 brocanteurs. Et par-dessus le marché, vous profiterez de prix fous chez les commerçants d'Outre-Meuse. Encore une bonne idée de l'échevinat du commerce de la ville de Liège. Je suis en train de découvrir les conditions soldes des meubles Rigaud avisés. Et je peux vous dire que ce ne sont pas les petites remises qu'ils vous préparent. Meubles Rigaud. Ah non, désolé, je peux pas vous en dire plus à la radio avant le 1er juillet. Mais peut-être qu'en passant avisé... De 6h à 9h sur Vivacité, Viva Weekend. Avec ce titre Uptown Funk, juste après les infos de 9h, Candice Cotter avec Olivier Cole en direct de la première étape du Beauvélo de Ravel ce samedi, en direct de la Calamine. Et Olivier et Candice seront déjà sur place dans le village du Beauvélo pour animer l'émission En Cuisine, qui fera la part belle aux producteurs locaux présents sur place, mais aussi aux recettes de la région et à ses meilleures tables. Vous pouvez découvrir tout ça évidemment via les infos sur le Beauvélo, sur le site internet et via la page de l'émission vivacité.be. Que tout aille bien pour vous, passez de bons moments. Waouh, ces lignes séduisantes. Oh, le vrai plaisir de conduite Jaguar. Sa faible consommation. La Jaguar XE est une berline sportive à couper le souffle. À partir de 35 600 euros, 3 ans d'entretien compris. Et pour ceux qui se décident vite, jusqu'à 6 500 € d'avantage sur les véhicules de stock. Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Vous écoutez Vivacité, il est 9h. Réunion aujourd'hui à Berlin des pays fondateurs de l'Union européenne après l'annonce du Brexit d'hier. Une sortie de l'Union européenne que ne digèrent pas certains Britanniques. Ils ont lancé une pétition pour revoter. Nous serons en direct de Londres dans un instant avec Amandine Alexandre qui nous décrira l'ambiance au lendemain du Brexit. Un Brexit qui préoccupe aussi les Britanniques qui vivent chez nous. Début aujourd'hui du concours pour les étudiants de première année en médecine. Une épreuve qui permettra à une partie d'entre eux seulement d'obtenir un numéro INAMI et pouvoir ainsi exercer plus tard le métier de médecin. Vous goûteriez bien un petit mojito? Les dégustations gratuites d'alcool dans les magasins et dans les festivals mieux réglementés, surtout celles qui visent les jeunes. En football, après 2 jours de pause, place au 8e de finale à l'Euro. Du côté des Diables, départ aujourd'hui pour Toulouse. Ils jouent demain contre la Hongrie. Une équipe qui retrouve des couleurs après 50 ans dans l'ombre. Le journal de 9h, c'est avec Nathalie Servet. Bonjour à tous. Au lendemain du Brexit, les questions et les inquiétudes de part et d'autre de la Manche sont nombreuses. Britanniques et Européens vont devoir définir les modalités du divorce. Ils ont 2 ans pour se mettre d'accord. Du côté européen, une première réunion est déjà prévue aujourd'hui à Berlin. Les pays fondateurs de l'Union européenne, dont la Belgique, vont discuter des conséquences de la décision des Britanniques avec un sommet mardi et mercredi. En Grande-Bretagne, le référendum a fait apparaître des fractures entre citadins et ruraux, entre jeunes et vieux ou encore entre l'Angleterre et l'Écosse ou l'Irlande. On va tout de suite retourner à Londres. Amandine Alexandre, bonjour. Quel est l'état d'esprit des Britanniques ce matin ? Écoutez, le pays est toujours vraiment plongé dans l'incertitude. Certains Britanniques s'accrochent à l'espoir d'un second référendum. Une pétition réclamant l'organisation d'un second vote a recueilli plus de 670 000 signatures. Et puis ce qui est frappant, vous l'avez évoqué, c'est l'amertume de la jeunesse, parce que les jeunes électeurs ont voté à 75% pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et ils reprochent aux plus âgés en fait, d'avoir saboté leur avenir en Europe. Alors Amandine, ça c'est au niveau des réactions des Britanniques. Au niveau politique cette fois, qu'est-ce qui est prévu maintenant ? Alors lundi, David Cameron fera une déclaration devant les députés à la Chambre des communes. Le Premier ministre a affirmé hier qu'il quitterait le pouvoir en octobre et qu'il n'engagerait pas de négociations avec les institutions européennes en vue de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Mais l'Union européenne ne l'entend pas du tout de cette oreille. Le président de la Commission européenne veut que les négociations démarrent sans tarder. Et donc on verra lundi si Cameron est toujours aussi déterminé à maintenir le statu quo. D'accord, merci beaucoup Amandine Alexandre. Vous étiez donc à Londres et du côté de l'Écosse, une réunion de crise a lieu ce matin. L'Écosse qui se demande si elle ne va pas organiser un deuxième référendum sur son indépendance. Beaucoup de Britanniques vivent chez nous, des Britanniques tristes et inquiets après l'annonce du Brexit. Fabrice Gérard a poussé la porte d'une librairie anglaise dans le centre de Bruxelles. That's 4 euros, please. Bienvenue chez Sterling Books, une librairie presque centenaire où l'on ne vend que des ouvrages en anglais. Derrière le comptoir Marc, cela fait 15 ans que cet Écossais habite Bruxelles. Et pour lui, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne provoque pas mal d'inquiétudes. Je suis déçu qu'on ait décidé de sortir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quel est mon futur ? C'est une situation difficile pour moi, pour ma compagne et pour beaucoup de mes collègues. Inquiétude et aussi tristesse, c'est le cas de Geneviève, cette Anglaise mariée à un Belge vit en Flandre et elle a appris le Brexit par la radio. Mais oui, quelle choc horrible quoi. En plus, je l'ai entendu en néerlandais, je me suis dit non, j'ai mal compris. C'est pas ça, j'ai regardé la BBC et en effet, oui, c'était la vérité, c'est horrible. Chez Sterling Books, il n'y a pas que des clients britanniques, la librairie est également fréquentée par d'autres ressortissants étrangers, dont une majorité travaille au sein des institutions européennes. Avec le Brexit, cette Tchèque craint qu'un référendum soit prochainement organisé dans son pays. Il y a aussi un sentiment contre l'Union européenne parce que les gens pensent que l'EU c'est un peu loin, ils imposent des choses, mais j'espère qu'on va rester. Rester dans l'Union européenne pour les 1200 fonctionnaires britanniques installés à Bruxelles, c'est plutôt la probabilité de devoir plier bagages qui occupe désormais leurs pensées. Retour au calme sur le front des inondations. Deux cours d'eau sont toujours en préalerte de crue ce matin. Il s'agit de la Haine et ses affluents dans la région montoise et de la Dyle et de ses affluents du côté de Cours-Saint-Étienne. L'IRM annonce pour cet après-midi des averses, parfois accompagnées d'orages. Les orages qui se sont déplacés vers l'Allemagne hier soir, provoquant ici aussi des inondations. Un train même déraillé ce matin dans le sud-ouest du pays. Des pierres sont tombées sur les voies à cause des fortes pluies. 10 personnes ont été blessées. 300 étudiants en première année de médecine se présentent ce matin à l'université de Namur pour passer un concours. Ils ont déjà passé leurs examens de fin d'année, mais il leur reste encore une épreuve. Et quelle épreuve ? Il s'agit du fameux concours organisé pour sélectionner ceux qui décrocheront un numéro INAMI, numéro qui doit leur permettre de poursuivre en deuxième année et d'exercer plus tard le métier de médecin. À l'université de Namur, seuls les 133 premiers seront retenus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus donc. Un mauvais système, selon la vice-rectrice de l'université de Namur, Muriel Lepère. Alors, il consiste en fait à évaluer l'ensemble des matières du deuxième quadrimestre, donc l'enseignement qui a été assuré depuis février de cette année. C'est une deuxième évaluation pour ces matières et les résultats vont permettre un classement. Les 133 meilleurs pour l'université de Namur seront en fait, pourront poursuivre leurs études de médecine. Les autres devront soit recommencer cette même épreuve l'année prochaine, soit se réorienter dans un autre cursus. Vous n'êtes pas très favorable au principe de ce concours ? Non, je ne suis pas favorable à un concours en général et en particulier un concours en fin de première année, puisqu'on laisse l'espoir parmi beaucoup de jeunes, trop de jeunes, qui seront profondément déçus, découragés, démotivés. Et donc, rien que ça me fait dire qu'un concours en fin de première année, c'est vraiment pas ce qu'il aurait fallu. Interview de François Louis a noté que les autres universités organiseront ce même concours dans les jours qui viennent, à commencer par l'université de Liège ce lundi. Décidément, le cours de philo et de citoyenneté provoque pas mal de remous. Après l'épreuve de morale, ce sont ceux de religion qui annoncent un recours contre le décret qui organise ce nouveau cours. Ils craignent de ne pas pouvoir l'enseigner. Ils remettent aussi en cause la neutralité supposée de ce cours. Pour rappel, le cours de citoyenneté va remplacer une des deux heures de morale ou de religion dans les écoles publiques et dans celles du libre non confessionnel. Et cela dès la rentrée prochaine pour le primaire. Les dégustations d'alcool dans les supermarchés vont être plus surveillées. Fini de faire goûter du péqué ou un nouveau mélange mojito moins de 16 ans. Le gouvernement serre la vis sur les ventes d'alcool aux mineurs. Concrètement, Simon Bourgeois, c'est quoi ces nouvelles règles ? D'abord, les inspecteurs pourront contrôler et demander des comptes aux magasins qui font des dégustations. Jusqu'à présent, c'était un petit peu le flou dans les supermarchés. Maintenant, la règle est claire, c'est la même qu'ailleurs. Pas d'alcool au moins de 16 ans, même en toute petite quantité de dégustation. Et pas d'alcool fort au moins de 18 ans. Et s'il y a des infractions, les inspecteurs pourront confisquer les bouteilles aux jeunes. Les droits des inspecteurs sont maintenant plus clairs. Ouais, et puis Simon, c'est l'été, bientôt les fêtes de village, les fêtes de fin d'examen, les soupers au club de foot. La ministre de la Santé rappelle les règles aux organisateurs. Pas les professionnels des gros festivals, mais plutôt les petites associations, les comités de quartier, les bénévoles. Pour eux aussi, c'est interdit de vendre de l'alcool aux mineurs et il faut le rappeler, la ministre donne des conseils pratiques à ses organisateurs et insiste, en cas d'infraction, il y aura des amendes à la clé, plusieurs milliers d'euros. Merci Simon Bourgeois. 75 exploitations agricoles vous accueillent aujourd'hui et demain. C'est la 20e édition des Fermes Ouvertes, l'occasion de découvrir le métier d'agriculteur, mais aussi de déguster les bons produits qu'ils fabriquent. En football, le début aujourd'hui des huitièmes de finale à l'Euro avec trois matchs au programme. Suisse-Pologne à 15h, Pays de Galles, Irlande du Nord à 18h et enfin à 21h, Croatie-Portugal. De leur côté, les Diables Rouges préparent leur rencontre de demain contre la Hongrie, qui est sans doute la révélation de ce début de tournoi. Après avoir connu deux finales de Coupe du Monde, mais c'était il y a maintenant plus de 50 ans, le foot hongrois relève donc la tête, grâce aussi au soutien controversé de son premier ministre Viktor Orban. Les explications de Françoise Aleski. Viktor Orban n'a pas toujours été le premier ministre nationaliste de la Hongrie. Il y a 10 ans, il était plus modestement l'attaquant d'un club de deuxième division dans son village natal, à Felcsút. C'est là qu'il est tombé amoureux du football, au point d'en faire aujourd'hui une priorité nationale. Son gouvernement investit plus dans le foot que dans l'enseignement. Depuis 2010, 500 millions d'euros ont servi à rénover et construire des stades. Viktor Orban a même fait passer une loi qui permet aux entreprises sponsorisant les sports collectifs de bénéficier d'exonérations de taxes. À 80% de la population hongroise juge que c'est beaucoup trop. L'ancien joueur et entraîneur hongrois de Charleroi, Tibor Balog, estime en revanche que ces investissements sont plutôt bénéfiques. Je préfère 100 fois ça qu'un gouvernement qui fait rien, qui pense que on peut utiliser l'argent comme on veut, mais ici on a des réussites et on a justement avec le bon résultat de l'équipe hongroise. Ils ont donné les réponses pour les gens qu'ils ont douté jusque maintenant. Investir dans le sport, c'est évidemment louable, mais la gestion des subsides reste pour le moins opaque. Et même si cela semble porter ses fruits à l'euro, la population s'interroge quand même sur la nécessité de construire des stades énormes qui ne se remplissent quasiment jamais, y compris dans le village de Viktor Orban à Feldschut, où la population de 1800 habitants peut jouir d'une enceinte d'une valeur de 12 millions d'euros. Et demain, contre la Hongrie, côté belge, on comptera entre autres sur Romelu Lukaku, l'attaquant des Diables qui alterne le bon et le moins bon dans cet euro. Une irrégularité que certains attribuent à la trop grande pression qu'il s'inflige. Une hypothèse qu'il réfute. Je sais pas d'où les gens ils disent ça en fait. Justement, moi, c'est l'occasion de demander. Je sais pas d'où ça sort. Je pense que c'est parce que je suis pas une personne qui va commencer à se défendre. Je laisse les gens parler. Je passe tout le temps sur le terrain. Pour moi, c'est ça la meilleure réponse. Si vous me connaissez, je suis un malade du foot. Ça, c'est vrai. Voilà, tout le monde s'est dit que je me mets la pression. Non, je mets pas la pression, mais je suis ambitieux et c'est ça la différence. Romelu Lukaku au micro de notre envoyé spécial Manuel Jousse. A noter que ce matin, les Diables partiront en quart pour Toulouse, ville hôte de leur match de demain donc. On fait un point RTBF, on vit l'info avec Jean-Marc Strel. Oui, il y a un accident signalé sur le ring de Bruxelles, l'extérieur peu avant Usingen. La bande de gauche est neutralisée vers Grand Bigard et soyez prudents car ce véhicule n'est pas signalé par un triangle, donc on peut être surpris. Nous avons de nombreux appels ici au centre Périx, prudence. Un accident aussi s'est produit sur la 25 Liège-Bastogne, autour de Sprimont, c'est la bande de droite, la bande d'arrêt d'urgence aussi. Elles sont neutralisées en direction de Bastogne. Et puis il y a un événement à la base de Florence ce week-end avec des embarras de circulation qui sont à prévoir aujourd'hui et demain sur les axes avoisinants. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 9h11, excellente matinée. On repart tout de suite à la Calamine. On rejoint Candice et Olivier. Mais oui. Nous sommes là évidemment pour cette émission En Cuisine jusqu'à 10h30. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Et enfin, un petit coup d'œil du côté de la météo. Oui, avec donc une météo un peu capricieuse, un ciel qui reste très nuageux sur l'est du pays avec des risques d'orage. Sur l'ouest, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies, les températures comprises entre 14 et 15 degrés, mis à part à la mer, avec des maxima de 12 degrés, donc c'est un peu frais. Cet après-midi, le ciel a tendance à se charger, les éclaircies sont rares et les averses notamment présentes avec des coups de tonnerre qui peuvent se déclencher en Ardennes et sur le centre. L'ambiance sera plus fraîche avec un mercure affichant 18 à 20 degrés. Et pour ce soir, le ciel se dégage pour laisser place à de la grisaille ou de la brume, du moins en fin de nuit. Les températures en baisse par rapport à la nuit précédente ne vont pas dépasser 12 degrés. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europassistance.be, you live, we care. En cuisine, jusqu'à 10h30 sur Vivacité. Mais très heureux de vous retrouver en ce samedi matin, c'est vrai, un petit peu pluvieux et moussade. Candice, vous avez changé de partenaire pour cet été. Bonjour Olivier, bonjour à tous, ravi d'être avec vous sur le beau vélo de Ravel. Nous sommes à la Calamine ce matin. Vous étiez déjà venu à la Calamine avant aujourd'hui? Jamais. Plombière a été le plus proche. Une découverte qu'on fera aussi en gastronomie dans un instant, parce qu'on va goûter du fromage, je crois. Effectivement, nous avons l'occasion d'avoir comme invité aujourd'hui Godly Brasseur, qui est une productrice artisanale de fromage de chèvre. Donc on a une petite dégustation à vous proposer ce matin, en direct. Et nous allons parler, notre thème du jour est le suivant, nous allons parler des apéros dînatoires. Donc le fromage se cale là-dedans avec plaisir et bonheur. Donc on reçoit des amis à la maison, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire, on a envie de plutôt le jouer minutes Totalement. L'apéro, ça pose toujours problème. On sait généralement ce qu'on fait en plat parce qu'on a des habitudes, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, on a un peu ses classiques. Par contre, l'apéro, on a envie de se renouveler, on n'a pas envie de tomber forcément dans les trucs qu'on trouve dans les supermarchés et on ne sait pas quoi faire. Donc aujourd'hui, on va vous donner des idées pour essayer de faire des choses minutes, qui prennent vraiment pas trop de temps, qui sont faciles et qui vous permettent de changer agréablement l'apéro et d'étonner vos invités. Ça peut être un apéro dînatoire qui se substitue au repas aussi? Ça peut totalement être être un apéro dînatoire. On peut dans l'esprit buffet, c'est même extrêmement gai. Et même si le temps ne s'y prête pas aujourd'hui, on va faire comme si, on va se dire comme qu'on si va être tout à fait cette ambiance terrasse. Très bien, et vous pouvez réagir dès maintenant évidemment en nous envoyant des SMS via le 60 03, c'est 75 centimes par envoi de message. Il y a le mail également et le Facebook. En cuisine. Le 60 03, c'est 75 centimes par envoi de message. Il y a le mail également et le Facebook. En cuisine, où nous sommes plus de 35 000 ce matin, vivacité-en cuisine. Bienvenue à tous. Alors, pendant cette émission, on recevra aussi quelqu'un qui est un épicurien. Ah. Et on est dans son village local, natal même. Je l'ai vu arriver. C'est Bouli Lanners qui sera avec nous vers 9h30. Mais dans un instant, on va donc déguster ces bons fromages qui nous viennent juste à côté, hein, du village de Monsen. Du fromage, du fromage, du fromage. En cuisine, sur Vivacité. Nous avons donc profité de ce morceau de Coldplay pour pouvoir déguster déjà ces premiers fromages qui sont amenés par Gottlieb Brasseur, qui est notre invité. Gottlieb, qui je crois, Candice, a dû faire 5-6 kilomètres pour venir nous rejoindre. Oui, à peine. Je suis vraiment tout à fait dans le coin et ça me fait plaisir d'être à votre émission pour parler d'un fromage au lait cru. Donc vous êtes productrice de fromage de chèvre au lait cru, moulé à la louche. Expliquez-nous un petit peu. Oui, c'est excessivement important et je crois que c'est pour ça qu'il est tellement onctueux et doux. Je ne le brutalise pas, je travaille par des seaux, avec des seaux par 10 litres à la fois. Oui. Et quand j'ouvre mon seau, quand il a été 24 heures au repos, c'est une des plus belles matières qui existent. Vous êtes quand une passionnée. Quand je vois ça, on se croirait le mille qui veille, un nuage. Vous faites ça depuis combien de temps ? 20 ans. Quand même. Oui. Et vous êtes tombée dedans comme ça ? S'il vous plaît. Vous êtes tombée dedans comme ça ? D'origine, moi, j'étais fille d'agriculteur. Mm-hmm. Et puis, j'ai fait la logopédie. Et in fine, à 23, 24 ans, je me suis dit, non, mon truc, c'est être fermière. Vous êtes revenu à vos premiers amours. Eh bien, écoutez, on a une jolie dégustation que vous nous avez amenée. On a beaucoup de chance. On a différents petits produits. Je vous ai d'ailleurs mis, pour ceux qui sont sur notre groupe Facebook, vous avez une photo en live de ce qu'on est en train de déguster. Expliquez-nous un peu ce que vous nous avez amené. Je les assaisonne. J'ai une dizaine de variétés différentes, un peu en fonction des saisons. Ici, pour l'été, bon, je fais à l'ail d'ours. Il y a une confit de figues noix que je fais moi-même. Il y a une tomatade, une purée de tomatade à l'italienne. Et il y a le petit miel lavande qui marche très fort. Et qu'est-ce que j'avais encore ? Oui, puis j'ai amené une maquée à la ciboulette du jardin et une maquée au saumon fumé. Eh bien, maquée ciboulette et maquée saumon fumé, ça fait vraiment partie des indispensables avec les autres fromages aussi. Mais cette maquée est tellement facile et polyvalente à utiliser, surtout sur cette saveur de chèvre. Elle est beaucoup plus douce que sur cette saveur de vache. Elle a une autre texture qui est très intéressante pour notre thème du jour, ce thème apéritif. Oui. Vous pouvez faire des garnitures avec ça, vous pouvez faire des dips avec ça. Mm-hmm. Ça peut être une base de travail pour faire des sauces, pour vous faire des petites verrines. C'est très très polyvalent. Vous avez envie de vous faire des petites bouchées viandeuses ou même poissonneuses et vous avez envie de les rendre un peu plus moelleuses, schlac, deux cuillères à soupe de maquée là-dedans et vous allez vous retrouver avec un goût et un moelleux que vous n'aurez jamais en ajoutant simplement un œuf ou même un liant quelconque gras. Donc ici on est dans quelque chose qui est un produit magique et c'est si bon le matin. On est en train de petit déjeuner avec ça. Ça nous sert de petit déj en fait. C'est notre petit déj. Et ce qui est sûr, Candy, c'est que ces fromages sont en train de fondre. On se demande comment. C'est pas l'effet du soleil aujourd'hui, c'est l'effet des invités qui se précipitent. Adrien Joffelot est en train de mettre directement le toast dans Adrien la maquée. Qui est en train de déguster. Oui, il est excellent et en plus on a le fromage et le sourire de la crémière. Elle est magnifique, hein, franchement. Bravo. Boulilaner, c'est vous qui êtes du coin. Ce fromage, vous le connaissiez? Il est bon. Hein. Je le connaissais pas et j'ai vraiment raté 20 ans de ma vie, je crois. Voilà. Alors, je sens qu'on est en train d'être jalousé à la maison de tous ceux qui nous. Voilà. Alors, je sens qu'on est en train d'être jalousé à la maison de tous ceux qui nous âgent à la louche sans pouvoir les déguster. Ben, c'est possible en venant ici dans la région de Monsen et on a même l'adresse de Gottlieb Brasseur. Alors, on va vous donner son numéro de téléphone. C'est le 0479 46 34 96 et son mail, si vous avez envie de commander, gottlieb.brasseur@gmail.com. Gottlieb, vous avez aussi des fromagers ou qui revendent vos produits? Dites-nous un peu où on peut trouver vos produits. Disons que souvent on me demande est-ce qu'on peut venir chercher chez vous, mais j'estime que dans la chaîne que je fais, j'ai quand même envie de respecter mes fromagers qui gagnent leur vie aussi, donc je conseille toujours aux gens d'aller dans les fromageries où je les vends. Tout à fait. Comme ça, tout le monde gagne sa vie. Une adresse, éventuellement ? Il y a Philo Fromage à Valkenrad, il y a la fromagerie. Je fournis beaucoup en Hollande, parce que les Hollandais n'ont plus de produits naturels, en tout cas pas au lait cru, et ils sont très demandeurs. Et on est à 4 km de la Hollande aussi, puisqu'on est dans le pays des trois frontières, à cheval sur l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Donc coordonnées on joue aussi que je vous la carte mets sur vivacité.be et sur notre groupe Facebook pour ceux qui auraient envie de goûter du fromage, du vrai. Bah nous, on va continuer à les goûter. Et pendant ce temps-là, à la maison, vous allez goûter du Daniel Balavoine pour Mon Fils, Ma Bataille. Très bonne matinée avec nous. C'est En Cuisine, en direct, à partir de ce samedi et pour tout l'été, des étapes du Beauvais de Ravel. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit ? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Qu'il est mignon ! Waouh ! Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Oh, c'est dingue, ça. Délicieux ! Les journées fermes ouvertes, c'est ce week-end partout en Wallonie. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur gfo.be. Une initiative de la PACW avec le soutien de Vivacité et Sud Presse.

Daniel Balavoine sur Vivacité avec mon fils, ma bataille dans les classiques du samedi matin, va-t-on dire. Ah, tandis, on fait un peu de la radio de campagne aujourd'hui, puisqu'on s'est installé sous le grand chapiteau qui accueille le petit déjeuner des participants du Beau Vélo, qui sont déjà nombreux avec, c'est vrai, leur pare-dessus anti-pluie, histoire de faire face à l'averse, mais qui ne va pas durer, évidemment, c'est moi, l'optimisme. Moi, je veux voir du cycliste en lycra moulant fluo. Si je ne vois pas ça, ce n'est pas un beau vélo. Dis, regardez à l'arrière, oui. Je commence à voir du fluo déjà, pas encore. Et ça devient potentiellement acceptable. Oui, tout à fait. On a des réactions par rapport à Gottlieb Brasseur et les fromages qu'on a dégustés ce matin sur notre page Facebook. Il y a Fiorella qui nous dit, j'ai déjà eu l'occasion d'en déguster, ils sont délicieux, nous dit-elle en majuscule. On confirme. Hein. Ah oui, vraiment, écoutez, on est ravis de ces produits-là. Il y a Chantal qui nous dit, je ne manquerai pas d'aller m'approvisionner jusque-là, ça semble délicieux. On a des slurps, on a des miams, on a des grrrs. De personnes qui n'ont pas directement dans leur assiette la main. Non, à l'instant M. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers ces produits-là. Effectivement, ce sont des tout beaux produits. Gottlieb Brasseur, qui est productrice de fromages de chèvre artisanaux moulés à la louche. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est du bon. On quitte les fromages. Enfin, peut-être pas tout à fait, parce que dans un instant, dans une poignée de secondes, on va évoquer les apéros dînatoires. C'est notre fil rouge de ce premier En Cuisine de sortie pendant tout l'été sur les beaux vélos de Ravel. Bonjour, c'est Marwan Fellaini. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël cette grande fan du direct et du macaron Morito. Gaël, vous avez tout pour vous. Vivacité et la Une présente Debout Citoyen, le rendez-vous de la citoyenneté. Participez aux nombreux événements citoyens aux quatre coins de notre province de Liège. Festivals, expositions, spectacles, commémorations, conférences, concerts, programmes et informations, deboutcitoyen.be. Deboutcitoyen.be. Une opération coordonnée par la province de Liège. En juin, profitez des Summer Deals chez Toyota. Super remise sur toute la gamme, plus extra remise sur une sélection de véhicules de stock. Les Summer Deals avec double remise, c'est maintenant chez Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. En cuisine, jusqu'à 10h30 sur Vivacité. Écoutez Candice, c'est vraiment une super bonne idée, votre premier thème de la saison estivale, les apéros dînatoires, parce que c'est tout juste ce que j'ai fait hier soir. Ah ouais. Dites, et qu'est-ce que vous avez préparé? Alors, mon préféré dans les petites ciabatta que j'ai préparées, c'était une tapenade de poivron avec sardines grillées par-dessus. Miam. Ah oui. Et alors, pour la jouer vraiment vrai, on se dit une bruschetta. Ah oui. C'est pas de la ciabatta toute bête, c'est pas un truc toasté comme ça, prouve. Non, c'est une bruschetta avec une petite tapenade de poivron et cette sardine. La sardine est un très bon produit, on y pense pas forcément, mais la sardine en boîte, à l'huile ou au naturel, à l'huile, elle a quand même un côté un petit peu plus moelleux qui vous permet davantage de préparation, est un très très bon produit, c'est pas cher et vous pouvez tout à fait faire une petite rillette de sardines minute en l'écrasant simplement ici par exemple avec cette petite maquée dont on parlait comme étant un produit très facile pour l'apéro. Ben, exemple premier, vous pouvez tout à fait faire ça avec de la sardine, un petit jus de citron, un peu de ciboulette, un tour de moulin à poivre, un peu de gros sel et vous avez une rillette entre guillemets de sardines qui fonctionne tellement bien avec un joli pain et vous n'avez vraiment besoin de rien d'autre. Une jolie ciabatta, un couteau, vous servez ça dans c'est un joli pot. C'est hyper simple en fait. Hein. C'est hyper facile, vous pouvez faire ça à l'avance, hyper bon et hyper bon, plein de bonnes choses aussi. La sardine, c'est notamment. Plein de nutriments, exactement. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas forcément gras ou pas très bon pour la santé à l'apéro, ce qu'on a tendance trop à imaginer. Et vous pouvez faire ça sans aucun problème. Sur la sardine, vous pouvez aussi, on en parlait tout à l'heure, aller vers la petite boulette. Une sardine, une petite boulette, une petite bouchée à l'apéro, poissonneuse, est extrêmement facile à préparer. Vous pouvez le faire à l'avance. La boulette de sardine. La petite bouchée. La petite bouchée, elle est parfaite. Même chose, vous écrasez votre petite sardine. La tapenade de poivron d'olivier, vous la mettez dans la petite boulette, ça va lui donner vraiment son goût et du relief. Vous salez, vous poivrez, vous ajoutez un petit œuf, vous ajoutez, si vous le souhaitez, si vous avez envie d'avoir une texture un petit peu plus granuleuse, ça ne se goûtera pas, mais ça va vous donner plus de relief, une cuillère à café de maïzena là-dedans, et vous malaxez, vous faites votre petite boulette, petit format, c'est important, tout doit être bite size, c'est ça l'apéro. Et on met 30 minutes au réfrigérateur avant de cuire. Rouler dans le creux de la main. avec amour. Avec amour. Avec amour. C'est ça qui fait la différence. Mais totalement. Il n'y a que ça qui fait la différence. Et vous mettez ça au réfrigérateur une demi-heure avant de cuire, soit à la friteuse, et c'est possible. Vous pouvez vous faire vraiment ce genre de choses sans aucun problème. Et vous pouvez vous faire une panure, voire une double panure, en passant simplement ces petites boulettes dans la farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure, que vous pouvez aussi agrémenter de différentes choses. Par exemple, là-dessus, ce qui fonctionnerait bien, c'est un petit peu de persil plat, juste ciselé finement, jeté dans la chapelure qui devient un petit peu plus fraîche, un petit peu plus tendre. Ça peut tout à fait bien fonctionner. Vous pouvez en faire une double panure en remettant dans l'œuf puis dans la chapelure pour faire une double croûte, que ce soit plus croustillant, plus gourmand. Et si vous avez envie de faire une cuisson au four, c'est possible aussi. Et ça vous permet de limiter l'apport en matière grasse. Donc tout ça est possible. Ouais, pour tout ce qui on zappait la friteuse de façon définitive. Exactement, parfois. Exactement. Et ça arrive de plus en plus, donc très bien. Et vous pouvez servir ça tel quel avec des quartiers de citron vert ou éventuellement avec un petit dip qui peut être très sympa, une maquée de base, un petit fromage, une ricotta, un mascarpone, peu importe, allongé avec l'herbe que vous avez utilisée pour votre chapelure, donc ici en l'occurrence persil plat, un petit zeste de citron, voire de pamplemousse, ça peut être très rafraîchissant, le pamplemousse rose là-dessus, tour de moulin à poivre, vous n'avez besoin de rien d'autre, votre truc il est complet et vous avez un apéro nickel. Allez, un autre petit exemple de ce qu'on peut faire à alors, l'apéro. Là-dessus vous pouvez aussi aller, parce qu'autant qu'on est dans les sardines, je pense poisson, je pense produits de la mer, rien ne vous empêche d'aller vers les scampis qui sont parfaits à l'apéro et qui sont intéressants parce que comme on les achète toujours surgelés, vous pouvez vous permettre d'avoir une marinade qui se tient au froid, au congèle, que vous n'avez plus qu'à chauffer dernière minute. Donc vous n'avez rien à faire, tout est fait à l'avance et vous les faites cuire dernière minute. On peut rester avec les invités parce qu'il faut exactement penser à ça aussi. Mais oui, hein. C'est ça qui est ennuyeux. Si on est en cuisine, pendant tout l'apéro. Mais on a envie quand même de pouvoir être avec les gens qu'on reçoit. L'idée, c'est d'être ensemble et de pouvoir se raconter un peu nos trucs et de pouvoir avoir un moment de plaisir. Et ça, c'est important de pouvoir le faire avec des produits qui sont déjà préparés suffisamment à l'avance, mais où on ne troque pas le goût contre le plaisir. Il faut vraiment avoir un goût qui reste et le plaisir d'être ensemble. Il faut les deux. Donc l'idée, c'est par exemple, vous prenez vos scampis surgelés, vous prenez des herbes, vous prenez un petit beurre que vous allongez à l'huile d'olive, vous mélangez vos herbes avec un petit peu d'ail écrasé à votre beurre, à votre huile d'olive, et vous massez vos scampis encore congelés à ça. Et vous remettez au congèle. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous remettez au congèle. Et ça va mariner au froid. On pense toujours qu'une marinade, ça doit être à température ambiante ou à chaud. C'est vrai que quand elle est à chaud, ça pénètre davantage la chair de la viande ou du poisson. Mais une marinade à froid fonctionne également sans aucun problème. Et vous pouvez toujours en avoir dans votre congèle. Reste alors à faire préchauffer votre four à 180. C'est une cuisson au four, 180. Et vous mettez sur un scampi dans un petit plat ou sur une feuille de sulfu. 10 minutes et punt. Rien d'autre à faire. Ça, le beurre va fondre dans le scampi. Ah oui. Le scampi aura une cuisson parfaite. L'herbe va pouvoir vraiment donner toute sa saveur. Un tour de moulin à poivre, on sert. C'est nickel, c'est fait. Rien voilà, d'autre minute à faire. Minute. Vraiment minute. Depuis qu'on parle d'apéro, il y a des gens qui s'invitent au nôtre ce matin. Je vous rassure, Candice, vous n'allez pas devoir leur préparer des scampis pour les 300 ou 400 mais qui sont déjà là. Disons qu'ici, j'aurais du mal. Je peux dégainer le scampi comme ça, sans problème. Mais ici, on est oui, sur le village. Oui, et puis le congène n'est pas à disposition. Le congène n'est le pas four, directement à côté de nous. Non. Par contre, à l'heure du petit déjeuner, il y a quelqu'un qui va s'inviter qu'on a déjà entendu tout à l'heure, la dégustation du fromage. Oui. C'est Bouly Lanners. Il faut savoir qu'il a grandi dans le village de la Calamine où nous sommes aujourd'hui. Kelmis, comme on dit en patois local. Oui. Et Bouly Lanners sera notre invité avec Pascal, avec Adrien Jovenot. Je le renomme moi du coup. Adrien Jovenot qui fera donc sa première séquence comme tous les samedis matins dans un instant. Donc d'ici là, à Noir sur Viva, c'est Let's Get Along. Baby, you know that I love you. I know that you love me too. Yeah, I know you do. You want. C'est Adrien Jovenot qui, dans un instant, nous présente son tout premier invité de la saison. A tout de suite. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Actuellement chez Casa, une sorbetière à moins de 25 euros. Découvrez le nouveau dépliant sur casashops.com. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Moi, je suis le préservatif. Avec moi, vous vous protégez et vous protégez les autres. Moi, je suis le test de dépistage. Grâce à moi, vous savez si vous êtes infecté par le sida ou par une infection sexuellement transmissible. Et moi, je suis le traitement. Je vous soigne et je peux vous permettre de ne plus être contaminant pour votre partenaire. Préservatif. Dépistage. Traitement. Ensemble, nous sommes les bons réflexes pour vous protéger du sida et des infections sexuellement transmissibles. La prévention évolue. Renseignez-vous sur lesbonsreflexes.org avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Les 25 heures VW Fun Cup, la course d'endurance la plus fun au monde. Avec plus de 100 voitures au départ, une ambiance unique et en exclusivité mondiale, la possibilité de vivre la course en tant que passager en biplace. Vivez cet événement familial le week-end des 9 et 10 juillet sur le circuit de Francorchamps. Entrée offerte sur le site de l'organisateur Chronos Events avec la 2 et Vivacité. Comment bien manger quand... On est gourmand d'été. Alors là, je vois pas. Ah, à moins de manger le soleil. Eh bien, chez Deleuze, c'est ce que vous allez faire, en savourant nos délicieuses pêches et nectarines, plein de vitamines pour ces fruits cueillis juste à maturité, et donc bien juteux et plein de saveurs. Tout comme la super promo. Exact. Jusqu'au 29 juin, il y a 25% de réduction sur les pêches et les nectarines en vrac. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Et quel que soit le temps, grâce à Deleuze, on est toujours partant pour déguster une délicieuse viande pour barbecue. En cuisine, sur Vivacité. Ah, ta nouvelle queue, toi. Et nous sommes donc dans le chapiteau, sous la toile du chapiteau qui nous protège de l'averse ce matin, avec Adrien Jovenot qui, tous les samedis, sur le coup de 9h30, 9h45, va venir nous faire un petit coucou, avec à chaque fois Adrien, en prémisse de la journée du beau vélo, un invité particulier. Et c'est vrai que la vie fait parfois des cadeaux. Ça fait plusieurs mois que je me dis, tiens, on va ouvrir la saison à la Calamine. Ce qui serait bien, comme premier invité de la saison, c'est d'avoir Bouly Lanners. Alors vous avez des rêves et vous dites, non, Bouly, c'est une star internationale. Il a eu un César, il a eu un Magritte, il a tourné partout. Non, il viendra jamais à la Calamine. Et figurez-vous qu'à 10h moins quart ce matin, je suis en train de manger des petits toasts au fromage avec Bouly Lanners et on les partage. Bonjour, Bouly. Bonjour. Vous, en fait, vous êtes... C'est l'odeur du fromage. Bonjour. C'est l'odeur du fromage. Bouly grandit ici. Vous avez joué dans ce parc communal où on déjeune. Absolument, c'était mon terrain de jeu. Donc, j'ai vécu les 19 premières années de ma vie ici. Et vous voudriez profiter de l'antenne de Vivacité pour lancer une chasse au trésor. Oui, j'ai perdu dans le parc, quand j'avais 12 ans, un petit médaillon sur lequel il y avait mon signe zodiacal, taureau. Et je me suis vraiment fait engueuler, évidemment. Et on ne l'a jamais retrouvé. Donc si jamais quelqu'un pouvait retrouver ce petit médaillon, ben, il y aurait une forte récompense. Vous allez en recevoir 3000, à mon avis. Mais c'est celui-là que je veux. Et il le reconnaîtra, il le reconnaîtra. Cette émission est dédiée aujourd'hui au sentier de grande randonnée. Ça tombe bien parce que vous êtes, même si c'est souvent à pied, un grand randonneur devant l'Éternel. Je fais beaucoup de randonnées à pied, j'en fais au moins deux par semaine et je viens souvent dans la région faire de la rando parce que je retrouve des chemins que je connaissais quand j'étais petit et puis j'ai continué à explorer et c'est une région qui n'est pas très connue en Belgique, qui est vraiment, mais ce coin là des trois frontières, c'est la fin du bocage, c'est très très beau, il y a des très très beaux coins à visiter à pied. Et on le verra à vélo cet après-midi, d'ailleurs la répétition hier nous a offert des panoramas sensationnels. Oui, et on a répété hier avec un gars du coin qui s'appelle Gunther. Qui était en classe avec vous. Ouais, Gunther Avenit. Alors il m'a dit plusieurs trucs, il y a des trucs que je peux dire à l'antenne, d'autres pas. Aïe. Mais il m'a entre autres dit que pendant vos humanités, vous rêviez de faire du cinéma, mais que vos parents n'avaient qu'une idée en tête, c'était de vous transformer en douanier, c'est vrai? Oui, moi je suis un fils de douanier, j'étais dans une confrérie de douaniers et on habite à la frontière, donc a priori c'était ça. Mais quand j'étais à l'examen, j'ai quand même été à l'examen, je ne l'ai pas passé, je suis rentré, c'était à Liège au Hall des Foires, il y avait 2000 candidats motivés, j'ai fait demi-tour. Ce qui ne vous a pas empêché de jouer dans Rien à déclarer après. Non, hein. Et c'était les uniformes de douaniers de mon papa et de M. Hubert, l'ami de mon papa, qui ont été les uniformes sur lesquels ils se sont basés pour faire les costumes du film. C'est dingue, vous avez aussi tourné dans La Grande Boucle, un film à la gloire du vélo. Oui, mais là, j'ai pas fait de vélo parce que je fais un directeur sportif, donc j'ai fait tout à l'arrière des cyclistes en voiture. Donc moi, j'ai passé le Tourmalet 20 fois, mais en marche avant, en marche arrière, mais j'en ai un vélo. C'est ce qu'on ferait aujourd'hui sur l'école, la vieille montagne Altenberg, qui porte bien son nom, hein. Ça grimpe, c'est pas le plat pays ici. Hein. Non, c'est pas. Vous allez le remarquer cet après-midi. Non, ça c'est pas montagneux, mais c'est très vallonné. Donc il y a vraiment des creux, des vallées, ça remonte, ça descend. Oui, Berg, ça veut dire montagne, la vieille montagne. Donc vous allez le sentir. Alors, Bouli, quand on vient à Calamine, on a un accent qui est d'ici. Est-ce que de temps en temps, vous pouvez le reprendre, cet accent-là? Oui, bien sûr, je peux reprendre l'accent. Avec ça, le patois local aussi? Il y a qu'un or plat. Il y a un dicton local qu'on m'a donné hier, c'est Indian. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Indiens ne connaissent pas la douleur, mais ce qui est vrai pour les Calaminois aussi. Hein. Ça veut dire qu'ici, même si on est robuste, quoi, il y a un petit crachin, on s'en fout, on ne fait pas la gueule, on la suit. Parce que la gueule, faut dire, c'est la rivière qui passe à la Calamine. Hein. On ne fait jamais la gueule ici, on la suit. Très très bien, on est ravis en tout cas de participer avec vous sur ce beau vélo. Terre de contrebandiers, de convoitises, de fantasmes ici, la Calamine, ancien territoire nôtre. Oui, c'est une histoire très particulière, puisqu'entre la défaite de Napoléon et 1914 à la main des Allemands, la Calamine est un territoire neutre qui était géré par une société minière, la société Altenberg, qui est devenue la société Vieille Montagne. Neumorestnet neutre, dont on parlera certainement dans la petite et la grande histoire contée cet après-midi, entre 13h et 16h, depuis les bicyclettes, avec bien sûr des guides de la région qui seront là pour nous raconter toute cette histoire. Bouli, vous êtes aussi un épicurien, c'est pas pour rien qu'on vous a invité dans En Cuisine ce matin, et vous ne dégustez pas que des fromages, je crois. Hein. Non, je déguste tout. Oui, du whisky aussi, si oui, j'ai... ça c'est ma passion, ça, c'est même pas de la dégustation, ça, c'est une passion, ça, c'est mais viscéral. Pas du whisky écossais, du whisky wallon. Il y a le whisky écossais évidemment, mais j'ai mon whisky dont je peux vous montrer. C'est la bouteille de whisky qui va être celle que en qui single va, malt. Donc c'est un single malt wallon que j'ai racheté, que je vais faire vieillir en fût et qui sortira dans 5 ans. C'est Étienne Bouillon qui s'en charge. Oui, c'est le whisky de Étienne Bouillon et que je ferai vieillir dans des fûts à moi. Je vais devoir prendre une photo de ce tatouage de bouteille de whisky sur votre bras et la poster sur Facebook. Je vais devoir, c'est journalistique. Oui, parce qu'on va nous le demander. Et mais d'ailleurs, oui. Les commentaires par rapport à Bouli commencent à tomber sur la page d'En Cuisine. Il y a de l'amour. Il y a Gudule qui nous dit ah, lui, je l'adore. Par rapport à Bouli commence à tomber sur la page d'En Cuisine. Il y a de l'amour. Il y a Gudule qui nous dit ah, lui, je l'adore. Smiley derrière qui sourit. Donc oui, on est. Voilà, il y a des fans et il y a des super fans et c'est un vrai plaisir. Et rappelons que vous pouvez bien sûr interagir dans cette émission En Cuisine, où on parle pendant encore 40 minutes de tous ces apéros dînatoires. On va essayer d'en placer encore quelques-uns. Vous pouvez aussi nous poser des questions sur la page Facebook Vivacité-En Cuisine et par SMS au 6003. C'est 75 centimes par envoi de message et également le mail encuisine@rtbf.be. Si on écoutait un petit peu de musique, tiens. Mais que oui. Avec du Jean-Jacques Goldman, par exemple. Mais que bonne idée. Qui nous ramène en 88, l'air de rien, pour C'est ta chance. Je sens que ça va fredonner dans les chaumières ce matin. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. Bonjour, pompe numéro 9 s'il vous plaît. Alors au total ça vous fera un maillot de cycliste, des sacoches et un vélo trek. Ah oui? Super! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station Esso ou Esso Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur esso.be/fr/cycling, soumis à condition. Vivacité présente le village gaulois. Au son des cigales, une farandole de produits français et wallons à déguster dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Et cette année, une formule goûteuse et pas chère de lunch gaulois tous les midis. Le village gaulois au cœur de Liège. Faisons la fête du 23 juin au 17 juillet. Bonjour, c'est Divo Corrigui. Convivacité, je suis complètement fou. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron Morito. Gaël, vous avez tout pour vous. UFC. UEFA Euro 2016. Ce samedi, début des huitièmes de finale. À 15h, Suisse-Pologne. À 18h, Croatie-Portugal. Et à 21h, Pays de Galles, Irlande du Nord. But après but avec la rédaction des sports. Et dès 18h avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Gagner pouce à pouce les oublis de la vie. Tu seras jamais la reine du bal vers qui se tourne les yeux éblouis. Pour que tu sois belle, il faudra que tu le deviennes, puisque tu n'es pas née jolie. Il faudra que tu apprennes à perdre, à encaisser tout ce que le sort ne t'a pas donné. Tout ce que le sort ne t'a pas donné. Chance à nous, c'est de pouvoir parcourir toute la Wallonie, toute la communauté Wallonie-Bruxelles pendant tout cet été. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois d'août, Candice, on va en faire des kilomètres pour aller aujourd'hui à la Calamine, la semaine prochaine à Tournai, avant de revenir à Oupey. Et on en passe des détails sur cette tournée 2016 du beau vélo et aussi dans Cuisine, puisqu'on sera tous les matins depuis le village départ. Aujourd'hui, pour parler d'apéro dînatoire. Effectivement. Et on a encore quelques petites idées dans les deux minutes qui nous restent avant les les infos pour justement vous mettre en appétit et peut-être vous envoyer vers ces voies-là pour vos amis qui viennent ce soir ou plus tard dans la saison. Est-ce que vous êtes pro-Vérine? Ah oui, les Vérines, j'adore. Ouais. Vous êtes pro-Vérine, parce qu'il y a eu cette mode de Vérine et il y a eu des personnes qui disaient à un moment... C'est un peu en train de tomber. On a marre des Vérines, etc. Mais la Vérine, ça reste quand même un truc... Ou c'est un peu en train de tomber. Mais la Vérine, ça reste quand même un truc assez sympa. Ce qui est un peu lassant, c'est quand on n'avait plus que des Vérines. Voilà, exactement. Donc la Vérine, ça peut faire partie de votre apéro dînatoire. Un apéro dînatoire, par définition, vous devez avoir différentes choses. Et la petite Vérine est sympa parce que vous pouvez l'agrémenter en gros de ce que vous avez dans vos placards, tout en ayant quelque chose qui a l'air d'être effectivement bien construit. Et c'est ça qui est intéressant en cuisine. Donc exemple, vous pouvez tout à fait partir sur quelques produits du commerce qui vous facilitent la vie pour donner de la texture, parce que la Vérine, c'est ça, il faut qu'il y ait différentes textures, et en même temps qu'on ait différentes saveurs, des choses intéressantes qui puissent vous donner à la première cuillère une explosion de saveur en bouche. Donc exemple, vous pourriez partir sur, on parlait de fromage de chèvre ce matin, vous pourriez partir sur un petit fromage de chèvre avec un petit reste de ratatouille, vous avez un reste de ratatouille à la maison, vous mettez ça dans le fond, un petit fromage de chèvre par-dessus, et vous prenez un crisp rolls, un petit crisp rolls, ça c'est vraiment un truc très sympa quand vous faites des Vérines, vous le scruncher en français dans le texte, c'est mon mot, je suis désolée. Donc vous le pile. Oui. Les gens qui parlent français parlent comme ça, effectivement. Et vous ajoutez un petit peu de romarin là-dedans, et vous n'avez besoin de rien d'autre. Donc ça va vous faire votre crumble romarin par-dessus sans effort. Si vous avez envie de vous la jouer dans le sucré salé, ce qui est typiquement belge pour nous, rien ne vous empêche d'aller vers un petit fond de compote, de jouer sur un petit morceau de boudin noir, pourquoi pas, de jouer éventuellement sur un abricot sec avec un petit peu de feta par-dessus, et pourquoi pas quelques noix concassées. Vous pouvez aller aussi, si vous avez envie de faire un truc un peu plus glam, aller vers une petite compote de pommes, une petite Saint-Jacques, juste rôtie, je vous rappelle la cuisson de la Saint-Jacques juste après, et une petite brunoise de pomme crue, comme ça vous avez le crack de la pomme crue, la fraîcheur, le jus de la pomme crue, le fondant de la Saint-Jacques encore chaude, et puis cette compote bien moelleuse dans le fond, ça vous fait un très chouette trio. La Saint-Jacques, on a tous tendance à soit la surcuire, soit la sous-cuire parce qu'on a peur. Alors, de la comment est-ce qu'on doit faire pour qu'elle soit vraiment superbe? Un four qui préchauffe à 200, première chose. Vous avez besoin d'une poêle bien chaude. Vous la graissez avec un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre et vous frottez l'excédent avec un essuie-tout. Vous mettez votre Saint-Jacques 30 secondes dans votre poêle bien chaude. Vous la retournez 30 secondes. Elle est saisie. Et vous la mettez au four, vous la transvasez direct au four dans votre four qui a préchauffé à 200 sur une feuille de sulfu et vous comptez 2 minutes. Pas 3, pas 1. 2 minutes. Et vous avez comme une ça, Saint-Jacques. Elle est saisie et cuite au cœur. Et cuite quand à cœur. Exactement. Et vous aurez une Saint-Jacques qui sera chaude partout, cuite à cœur. Vous n'aurez pas cette Saint-Jacques qu'on a parfois. Cette Saint-Jacques qui est vraiment pas bonne, qui est encore trop filandreuse à cœur parce que crue, ça c'est vraiment pas bon. On a tous eu ça en bouche. Et trop cuite, on ne l'a fait qu'à la poêle. Et trop cuite, on ne l'a fait qu'à la poêle. Et là, vous avez tendance à la surcuire si vous avez peur de, justement d'avoir ce problème de Saint-Jacques filandreuse. Donc, autres idées pour les Vérines. Très bien. Dans un instant, on s'informe et puis on reparle bien sûr d'apéro très très gourmand aujourd'hui. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Envie de vibrer, envie de fou rire, envie d'infos, envie de partager, envie de rêver, envie de découverte. Où, quand et comme vous voulez. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Des devos ou Elements. Oublie pas que demain on a un grand barbecue, hein. Et alors? Ah bah il faut pas se coucher trop tard. Bah pourquoi? Parce que si on veut être en forme, faut qu'on aille au lit. Oui. L'aille au lit qui donne du goût à l'été. La voilà. Devos Elements. À table. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon allez go, on prend celle-ci. Ah, très bon choix, monsieur. Quoi, t'es sûr? Mais y a même pas l'airco, on va crever de chaud. Mais non, attends. On la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo là, sur votre bureau, ok? Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 30 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanit, c'est samedi 25 et lundi 27 juin, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planit.be. Bricoplanit, tout pour la maison. Vous écoutez Vivacité, belle matinée, il est 10h. Le coup d'œil sur l'info ce samedi matin avec Julie Buron. Bonjour à tous. Après le Brexit, le projet européen a pris un coup. Ce sont les mots d'Angela Merkel, la chancelière allemande. Comment réenchanter ce projet européen? C'est à cette question que tentent de répondre les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs de l'Union européenne. Ils se réunissent à Berlin. Didier Reynders en fait partie et il évoque un plan en 3 points. Le premier, c'est vraiment retravailler sur des projets concrets dans le cadre européen. Comment faire progresser le marché intérieur ou les politiques fiscales et sociales dans la zone euro, par exemple, pour aller vers de la création d'emplois, de la croissance, ce qui est attendu par des citoyens européens, ou comment mettre en œuvre les décisions qui ont déjà été prises en matière migratoire, par exemple, comme le contrôle des frontières externes de l'Union européenne ou de la zone Schengen. Le deuxième volet, c'est la légitimité démocratique, comme on l'appelle. Ça veut dire le lien entre les citoyens et les institutions européennes. Et comme on va devoir revoir la structure, la composition, la répartition des élus au Parlement européen avec le départ de la Grande-Bretagne, je souhaiterais vraiment qu'on puisse débattre de la possibilité d'élire certains parlementaires européens sur l'ensemble de l'Union européenne. Et puis, ce sont les valeurs, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'au-delà du contrôle tatillon des budgets, on puisse aussi contrôler très clairement l'état de droit, les droits individuels dans tous les États membres. C'est un élément important pour les jeunes générations. Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, s'était joint par Damien Roulette. Autre réunion qui découle de ce Brexit et qui a lieu aujourd'hui en Écosse, cette fois à Édimbourg. Le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a relancé la possibilité d'un référendum d'indépendance de l'Écosse. L'Écosse s'est montrée majoritairement favorable à un maintien au sein de l'Union européenne. Fini de faire goûter du péqué ou un nouveau mélange mojito au moins de 16 ans. Le gouvernement serre la vis sur les ventes d'alcool aux mineurs. Les inspecteurs pourront à l'avenir contrôler et demander des comptes aux magasins qui font ces dégustations. Jusqu'à présent, c'était un peu flou dans les supermarchés. Maintenant, la règle est claire. C'est la même qu'ailleurs. Pas d'alcool au moins de 16 ans, même en toute petite quantité de dégustation. Et pas d'alcool fort au moins de 18 ans. En cas d'infraction, les inspecteurs pourront confisquer les bouteilles aux jeunes. Retour au calme sur le front des inondations. 2 cours d'eau sont toujours en préalerte de crue ce matin. La Haine et ses affluents en région montoise et la Dyle et ses affluents également. C'est du côté donc de Cours-Saint-Étienne. Une des conséquences de ces intempéries touche l'Atomium. Ces 9 boules seront inaccessibles tout le week-end. La pluie et la boue ont endommagé son installation électrique. On change un peu de tournoi à l'Euro 2016. À partir d'aujourd'hui, place aux 8e de finale. Les matchs, vous le savez, sont éliminatoires. Au programme, à 15h, la Suisse affrontera la Pologne. Puis à 18h, le Pays de Galles sera opposé à l'Irlande du Nord. Un match 100% britannique, très attendu. D'abord parce que le vainqueur pourrait affronter la Belgique en cas de qualification pour les quarts de finale. Et puis, les supporters des deux équipes sont réputés pour leur ferveur et pour leur fair play. On écoute la star galloise Gareth Bale. Ce sera assez similaire, oui, c'est une affaire uniquement britannique, donc ce sera un match intéressant. Je suis sûr que les supporters vont se répondre l'un l'autre. Nous sommes deux pays de passionnés qui aiment chanter et soutenir l'équipe. Donc forcément, on espère une atmosphère incroyable avec aussi un bon match et une victoire galloise à la fin. Nos supporters gallois ont été extraordinaires jusqu'ici. Partout où ils vont, ils forment un mur rouge, surtout aux abords et dans les stades. Évidemment, on les remercie. Merci, c'est énorme. Nous, on espère continuer à les rendre fiers. Grâce à leurs encouragements, on peut permettre à la nation d'aller encore plus loin. Donc, merci tout le monde et continuez à nous encourager. Pour terminer cette journée, à 21h, la Croatie tentera d'écarter le Portugal. Quant au Diable Rouge, il quitte Bordeaux ce matin, direction Toulouse, la ville hôte de leur 8e de finale contre la Hongrie. Un match prévu demain. Les Diables devraient s'entraîner aujourd'hui à 16h30. RTBF Mobile Info avec Jean-Marc Strel et un accident sur le ring de Bruxelles. Oui, on en parle depuis tout à l'heure. Circulation intérieure, peu avant Huizingen. La bande de gauche est neutralisée vers Grand Bigard. J'apprends à l'instant qu'il y a des ralentissements également sur le ring intérieur entre Drogenbos et Forêt vers Grand Bigard. Et puis sur la 201 aussi pour rejoindre l'aéroport Bruxelles-Zaventem en direction forcément de Zaventem. Waouh, super, je vais sur le toboggan. Et moi, dans la piscine. Jouer Bros, fournisseur de bonheur. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. En cuisine, est à la calamine, c'est là qu'on retrouve Olivier Coll et Candice Cotter. Oui, et on parle d'apéro gourmand, d'apéro dînatoire à l'heure du petit déjeuner. Aujourd'hui, on va continuer ainsi. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. En cuisine, sur Vivacité. En cuisine avec Candice Cotter tous les samedis de l'été, le rendez-vous en dehors de nos studios bien confortables habituels. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait de la radio de campagne pendant cet été. Candice, est-ce que vous commencez à vous acclimater tout doucement ? Je suis comme un poisson dans l'eau. Enfin, je suis comme un cycliste avec un lycra sur un vélo. Comme un cycliste sous la pluie ? Comme un cycliste sous la pluie avec un t-shirt orange Vivacité. Oui, et est-ce que vous l'avez trouvé d'ailleurs ce cycliste avec son fameux lycra ? Pas encore, je suis déçue, mais ma quête n'est pas terminée. Je vois à l'horizon qu'il y en a. Non. Mais de loin, mais il faut le voir de près. Oui, c'est ça vous voulez tâter en fait. Non, je ne me permettrai aucunement. Mais par contre, quand même vérifier que d'assez près, que la véritable matière est un lycra, c'est important. Un lycra non perspirant. En français, dans le texte. Non perspirant. Non, on ne doit pas y arriver non plus. Non, c'est pas ça. Non respirant. Non respirant, voilà, oui. Sinon, ça. C'était de l'anglais. Toute l'importance de la texture, comme on l'évoquait dans les verrines tout à l'heure, et nos petites boulettes également de sardines. Bon, dans cette prochaine demi-heure, enfin, il nous reste une bonne vingtaine de minutes, on va avoir l'occasion d'abord de vous inviter au restaurant avec le guide Delta, qui est notre partenaire une nouvelle fois pendant tout cet été. Et puis, on va déguster des vins. Ça, c'est un rendez-vous qu'on va conserver également tout cet été. Pascal Delfosse va nous rejoindre, notre sommelier, qui est notre sommelier chéri, habituel, qui a toujours le bon vin, la bonne info vin pour des vins qui ne coûtent pas trop cher et qui vous permettent vraiment de vous régaler. Et ici, cette saison-ci, on a très envie de demander à Pascal, on va voir s'il est d'accord, de nous faire une petite association apéro vin, fromage vin, un petit truc inhabituel, original, qui va vous permettre de changer vos habitudes. D'accord, vous continuez bien sûr dans les bonnes habitudes à nous envoyer vos questions, vos réactions. 60-03 pour les SMS, la page Facebook vivacité-en cuisine et en cuisine@rtbf.be pour les mails. Est-ce que vous avez déjà goûté du chou wasabi, vous Candice? Oui, j'ai déjà, mais on parle pas du même à mon avis. Vous, il y a du Julien derrière. Il y a du Julien Doré, oui. C'est ce qu'on écoute tout de suite sur Viva. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Le ciel se couche sur ta peau de louve. Les oies sont rouges. Ta mémoire est trouble. On a vu l'Espagne, la rive et les larmes. L'amour a ses failles et ses cœurs nomades. Baby, I love you less and less because of what you've done to me. Baby, I love you less and less because of what you've done. Don't let you've done to me. Baby, I love you less and less. together. D'œil qu'il y a un match important pour la Belgique et les Diables demain aux couleurs. L'exemple était donné par Adrien Jovenot qui avait le drapeau national sur son polo et il n'est pas seul et il va y avoir match tout de suite aussi. Alors pas du foot, mais du match, du resto match on va dire, pour tenter de gagner le premier cadeau de cet été dans En Cuisine avec le guide Delta. Vous le savez, on va vous envoyer aux quatre coins de notre belle région et aujourd'hui on va à Ham-sur-Eure dans le resto qui s'appelle L'Âme, tout simplement, avec un H devant. Et c'est ce resto dans lequel vous allez pouvoir aller déguster un menu pour deux. On a tout prévu, sauf les boissons quand même, ça reste à votre charge. Pour le gagner, comme c'est Delta Web qui est notre partenaire, il faut aller chercher le code qui est sur la page d'accueil de Delta Web, deltaweb.be. Vous nous envoyez ce code suivi de vos coordonnées complètes maintenant, il faut le faire tout de suite, au 6003, 75 centimes par message, et on sélectionne l'un ou l'une d'entre vous pour ce premier cadeau estival dans les prochaines minutes. Voilà, le code qui est donc sur la page deltaweb.be et le tout au 6003. Bonne chance. Vivacité présente le temps des guinguettes au domaine provincial de Chevetogne. Venez vivre les plaisirs simples d'une fête populaire à l'ancienne. Guinguettes, musique, danse, jeux, théâtre de rue, joute nautique, marché du terroir. Les samedis 25 et dimanche 26 juin dès 11h. Info sur domaine-de-chevetogne.be avec votre journal 7 dimanche et la bière La Chevetogne. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Qu'il est mignon. Wow. Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Oh, c'est dingue, ça. Délicieux. Les journées fermes ouvertes, c'est ce week-end partout en Wallonie. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur jfo.be. Une initiative de la PACW avec le soutien de Vivacité et Sud Presse. Été 2016 à l'achat de minimum 2 articles, hors exception, prix rond et nouvelle collection. Fred, je me suis assise sur la valise pour la fermer et la tirette a lâché. T'inquiète, allons chez Red Market. On va profiter des deals grandes vacances et faire le plein de bons plans. Oh mon Fred Market, toujours la solution. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeppe-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Besoin d'une entreprise générale de construction pour vos projets immobiliers? Royen Construct bâtit, rénove et transforme depuis plus de 30 ans vos projets immobiliers. Royen Construct, rue du Coteau 4 à Chêne-Herve. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Ce samedi, retrouvez tous vos artistes préférés en live. Dès 17h, Vivacité est en concert. Cette année, Hawaii se met à l'heure d'Hawaii pour la braderie d'été. Du 23 au 26 juin, les meilleurs prix dans une ambiance de fête hawaïenne. Bar, animation musicale, menu hawaïen et nocturne le vendredi jusqu'à 22h. Rendez-vous à Hawaii. Non, à Hawaii du 23 au 26 juin. Hawaii, il s'y passe toujours quelque chose. Hawaiicommerce.be. En cuisine, jusqu'à 10h30, sur Vivacité. La photo du tatouage de Boulianer sur la page Facebook d'En Cuisine est carrément superbe, hein, Candice. Vrai passion de whisky, vous avez la photo en live de la bouteille de whisky marquée au fer rouge sur le bras de Boulianer, c'est effectivement pour l'info et pour l'anecdote, parce que je dois dire que c'est assez clin d'œil. Est-ce qu'on met du whisky aussi dans les apéros et on pas seulement dans ce qu'on boit, peut-être pour une petite sauce cocktail qui arriverait dans une verrine ou autre? Totalement. Sauce cocktail, n'hésitez pas, whisky ou cognac dans ce mélange de mayonnaise. On peut mettre les deux. Tout à fait, les deux fonctionnent extrêmement bien dans ce mélange de mayonnaise et de ketchup. Rien ne vous empêche non plus d'utiliser un petit fond de whisky pour agrémenter vos garnitures. On pensait tout à l'heure, on grignotait avec Madame Brasseur ces fromages de chèvre sur canapé. Alors on était dans le petit canapé, le petit toast traditionnel, mais le petit canapé, vous pouvez le faire évoluer, et le petit canapé à l'apéro, ça reste un classique qui, quand on le fait évoluer, devient super fun. Exemple, vous pouvez tout à fait prendre le petit canapé pain rien ne vous empêche et ça peut être très sympa. Pain de mie, quoi. Pain de mie, exactement. Ou même un petit pain toast, même un petit pain qui doit, un pain campagne qui va toaster de manière un peu plus dure. C'est possible aussi. Mais rien ne vous empêche d'utiliser un légume et de le toaster. Donc, je m'explique. Vous allez le faire confire au four. Vous prenez par exemple une pomme de terre, voire une patate douce, et vous tranchez ces pommes de terre ou ces patates douces en tranches semi-épaisses, comme vous le feriez, comme vous auriez un petit toast, un demi-centimètre. Et vous mettez au four pour faire rôtir ces petites tranchettes de pommes de terre ou de patates douces. Ça fonctionne tellement bien sur la patate douce. Un petit filet d'huile d'olive, éventuellement un coup de sirop d'érable juste pour caraméliser le truc. Gros sel, poivre. On enfourne 180 à un quart d'heure. Vous n'avez rien d'autre à faire. Le légume est cuit. Il ne doit même pas être épluché. Donc c'est vous dire. Et c'est la rondelle de patate qui devient le canapé. Exactement. Et donc là, rien ne vous empêche de disposer ces petites rondelles. Et c'est la rondelle de patate qui devient le canapé. Exactement. Et donc là, rien ne vous empêche de disposer ces petites rondelles sur le marché. Donc vraiment, aller vers ça, c'est un tout, tout bon produit. Et vous pouvez, par exemple, faire une garniture en prenant du basilic, en concassant, en hachant finement des amandes avec ce basilic. Vous allez vous faire une petite garniture un peu gourmande. Une pointe de whisky là-dedans, vous mettez ça sur votre... Je bave. Vous mettez ça sur votre morceau de patate douce, trop bon. Et vous ajoutez... Oui, rien que d'en parler. Et vous ajoutez une petite olive par-dessus. Et vous avez un canapé qui est du tonnerre, qui n'aura rien à voir avec un canapé traditionnel, qui fera un waouh en bouche parce que vous aurez une explosion de saveurs. Et tout se mange en une pièce. Donc vous avez vraiment quelque chose de bien sympa. Rien ne vous empêche. On peut faire ça avec autre chose qu'une patate ou une patate douce encore ? Voilà, vous pourriez par exemple utiliser de la courgette rôtie, vous pourriez utiliser de l'aubergine. Mmh. Si vos tranches sont trop larges parce que le légume est trop dodu, rien ne vous empêche d'utiliser un emporte-pièce. Maintenant, on en a dans toutes les tailles pour pouvoir faire le petit toast de la taille du petit toast. Vous voyez que tout le monde a bien l'image de ce que je veux dire. Le petit toast qui aura 4 cm de diamètre pour les plus grands. Un peu plasticine. Un peu. Et 4 cm de diamètre pour les plus grands. Un peu. Et utiliser même un dip du commerce, genre du houmous du commerce, ils sont pas mauvais. D'utiliser même un guacamole, pourquoi pas, du commerce, et de le mélanger, de l'allonger. Vous faites par exemple un ail rôti, donc en même temps que vos pommes de terre ou de vos patates douces qui sont au four, ben vous jetez quelques gousses d'ail là-dedans, juste huilées, et vous les laissez un tout petit peu plus en cuisson. Une demi-heure de cuisson à 180, vous êtes bon. Et vous les écrasez ces gousses d'ail pour avoir de la purée d'ail que vous pouvez ajouter à votre avocat ou à votre houmous. Là-dessus, une petite brunoise de tomates fraîches, juste huilée, un petit peu de ciblette. Et on a quelque chose qui est super délicieux, très frais, estival et en même temps tout à fait original. Et ça vous permet de changer vos apéros allègrement. Et cet été rimera donc avec canapé. Si vous allez chez des amis ce soir et que vous sert vous pouvez. Des patates douces en guise de canapé, vous pourrez leur dire « Ah !» Chez vous, on écoute en cuisine et c'est une très bonne idée parce que ça va venir enrichir un peu votre table pendant les semaines où on espère avoir du beau temps et pouvoir déguster tout cela, non pas dans un canapé, mais bien à l'aise en terrasse parce que c'est quand même le but ultime des prochaines semaines. Ou sur un vélo. Ou sur un vélo. Ah oui, ah, ouais. La cuisine à vélo, attention, parce que ne me provoquez pas là-dessus. Ça pourrait être un thème. Je pourrais vous monter une cuisine mobile. Ça pourrait être un challenge. Sur un tandem. Ça pourrait. C'est possible. Tout est possible dans cette émission. Tout est possible. Moi, 10h19, je vous propose d'écouter Laura Pausini pour La Solitudine, alors que nous ne sommes pas seuls du tout aujourd'hui, mais bien entourés, notamment par Pascal Delfos qui, à distance, va nous faire un petit accord mai 20 sur un thème lui aussi très estival. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me. Gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli, che monotonia lui con ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai. A scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te. Studiare è inutile, tutte ci senza te. Il a du vin à nous donner. Comté et un vin de Bandol. Donc voilà, on aimerait avoir Pascal Delfosse au téléphone. Est-ce que Pascal nous entend? C'est toujours pas le cas. Bon, alors je vous propose en attendant de peut-être revenir sur nos apéros dînatoires, qui est le thème de cette première émission. Il y en aura un tous les samedis, bien sûr, qu'on est en train de développer entre 9h et 10h30 pour retourner vers d'autres petites idées encore. Quoi, par exemple, Candice? Alors, on a parlé poisson, on a parlé petite bouchée poissonneuse ou éventuellement un peu légumes, on a parlé canapé, on a parlé verrine. On peut aussi travailler la viande, et on doit, parce que c'est un goût qui est très récurrent. C'est vraiment, on est des mangeurs de viande en Belgique. Donc on est vraiment dans quelque chose qui peut vraiment plaire et fonctionner extrêmement bien. Alors, rien ne vous empêche, par exemple, et ça peut être, c'est honteux ce que je vais dire, mais ça peut être tout autant un apéro qu'une entrée, qu'un plat, qu'un truc où on se relève à 4h du matin pour manger dans le frigo. Un petit cinquième. Oui, c'est absolument honteux. Mais c'est une recette d'aileron de poulet mariné. Alors, quand on dit aileron de poulet mariné, tout le monde se dit, oui, enfin, en gros, c'est du poulet caramélisé. Oui et non. C'est-à-dire que le poulet caramélisé, on peut toujours se mettre un petit peu de miel sur du poulet et déglacer son truc, et ça fonctionne, mais c'est pas forcément le truc le meilleur, et c'est pas quelque chose... Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Il y a moyen de faire 10 milliards de fois mieux, et il y a moyen surtout de faire un truc qu'on oublie au four. Vous prenez des ailerons de poulet, donc vous prenez des bêtes ailes de poulet. Vous prenez une petite échalote de l'ail, de gingembre, et vous faites un petit mélange d'épices. Moi, j'aime bien mettre un peu de cannelle, un peu de cumin, un peu d'anis, un petit peu de piment d'Espelette, ce que vous avez. Et en gros, vous allez piler vos graines, frotter votre poulet, et vous allez faire cuire votre poulet tel quel, 30 minutes à 180. Et à 10 minutes de la fin de la cuisson, 30 minutes à 180. 10 minutes de la fin de la cuisson, vous badigeonnez simplement d'un petit peu d'huile et d'un petit peu de ketchup. Et vous allez avoir la véritable aile de poulet caramélisée en bucket, donc en seau à l'américaine. Et ça, ça change la vie. Et ça peut se manger froid aussi quand et on ça, se réveille ça doit, en pleine nuit. Ça doit, ça doit, mais s'il en reste, non, si ça peut, mais ça doit encore se manger froid, ça peut se remanger tiède le lendemain, ça peut, mais il n'en restera pas. Mais donc voilà, en gros, c'est l'idée. Et vous retrouvez la recette sur vivacité.be. D'accord, on y va tout de suite, vivacité.be, dans la page en cuisine, alors que Pascal Delfosse, cette fois, nous a rejoint. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et tous. Ouh. Bonjour Candice. Déjà, votre aile de poulet que vous venez de caraméliser, là, ça, franchement, ma bouteille de Bandol et mon tire-bouchon, j'arrive. Tout de suite, alors. Hop. On alors, vous attend. Deux petites choses, peut-être le Bandol à l'apéro et un petit morceau de comté à la fin du repas, tiens. On alors, est pour. En parlant de Bandol, celui qui m'a interpellé ici, c'est un millésime 2015. C'est vrai qu'en cas du 2015 dans les étals, j'ai plutôt tendance à prendre ce millésime. Et je l'ai choisi chez Delaize, et c'est une mise Delaize. Donc on est sur du 100% Mourvèdre, cette appellation assez phare de la Provence, et un tantinet masculine, on peut le dire. Alors, sûr que celui-ci, donc ce 2015 de mise Delaize, c'est pas forcément le plus grand des Mourvèdres à Bandol que j'ai eu l'occasion de déguster. On va dire que les épaules et la structure manquent un peu dans l'ensemble de cette cuvée. Mais ceci dit, voyons plutôt ce qui va bien. Alors avant tout, Bandol rosé à 8 euros la bouteille, ça c'est plutôt rare. Et c'est ouais, tentant. Ça, c'est déjà tout bon. En général, pour ce genre de produit, on dépense 8, 10, 12 euros. Donc le tire-bouchon en éveil, je me lance à la sauce Bandol 2015. La robe est saumonée, c'est tendre, c'est presque des plus agréables à l'œil. C'est vraiment très joli. Au nez, un peu discret. Ça n'affiche bien sûr aucun défaut. On pointe un peu de fruits blancs et derrière, il y a quelques petites touches de framboise qui pointent même le bout du nez. Et le dégusté confirme effectivement ce qu'on a vu à l'œil et au nez. C'est sans surprise. En fait, si. C'est d'une approche très facile. C'est un cépage tellement masculin. On rappelle ici qu'on est dans un 100% Mourvèdre. On est étonné par cette souplesse et cette rondeur assez exceptionnelle. On en oublierait presque que ça doit être vif et désaltérant. N'oublions pas qu'on est dans un vin d'été. Aussi, je dirais plutôt que c'est une approche gourmande, simple, sans prise de tête. Et face à ce vin qui ne souffre d'aucun défaut, j'ai quand même pris un certain plaisir. Alors, des rosés gourmands comme celui-ci, il y en a. Ils ne sont pas tous à 8 euros. Donc là, le rapport qualité-prix est plutôt sympathique. Et n'hésitez pas non plus à 8 euros pour un rosé. On en a bien sûr dans toutes les grandes surfaces. Allez voir vos cavistes aussi de proximité. Il y a également des vins qui sont super sympas dans cette gamme de prix. Pas forcément utile d'aller dépenser beaucoup de temps. Et puis, toute autre chose, ma chère Candice. Grâce à l'une de vos amies, j'ai été confronté à une dégustation de fromage de comté. Et en fait, les sommeliers l'ont affirmé depuis très longtemps, les gourmets, les dégustateurs aussi. On sait que le comté fait un accord extraordinaire avec le vin blanc et de préférence même avec des vins de la région du Jura, du Doubs, de Haute-Savoie, un petit peu de cette région, bien sûr, de ce fromage extraordinaire que personnellement j'aime beaucoup. Alors oui, vin blanc, c'est connu sur le comté, mais est-ce qu'on peut oser des rouges ? Eh bien, avec une bonne trentaine de dégustateurs, on a tenté l'essai de quelques vins rouges. Évidemment, en tant qu'ambassadeur du Languedoc, il y en avait heureusement un sur la table. Et mon modeste avis, c'est qu'il ne faut pas acheter votre vin rouge quand le comté arrive. Il y a moyen de faire des épousailles plus ou moins réussies, surtout si la majorité du cépage, à mon avis, je vais reboire un coup de Bandol, ça ira mieux. La majorité des cépages que vous trouverez dans la bouteille est en fait du grenache. Pourquoi ? Parce que le grenache affiche beaucoup de rondeur, un certain fruité, et sur le gras du comté, un certain fruité, et sur le gras du comté, si oui, si c'est pas un mariage de passion, ça peut quand même être un mariage de raison. Donc, comté et vin rouge, oui, c'est possible. Attention, super. Choisissez bien votre cépage. Merci Pascal. À tester pendant cet été. Merci Pascal. Et chaque semaine, Pascal viendra nous faire un accord mai 20 sur le thème évidemment de cette belle saison qui s'ouvre pour nous. Candice, le rendez-vous c'est samedi prochain pour un nouveau En Cuisine. On sera de l'autre côté de la Wallonie, du côté de Tournai. Le rendez-vous est déjà pris. On vous invite à nous rejoindre samedi prochain dès 9h dans En Cuisine à Tournai. Et n'oubliez pas de prendre votre juste au corps en lycra. Évidemment. Et en attendant, c'est Pascal Loridès qui arrive dans un tout court instant pour le début du Tip top. Joyeux week-end. Grande braderie de Warem, c'est 24, 25 et 26 juin. Vendredi dès 15h, samedi et dimanche dès 10h avec concerts, défilés de mode, blind test, Jack Mouth et ses fleurs, djembé, zumba et le beach volley de Warem les 3 jours. Faites le plein d'animation et de bonnes affaires à la braderie de Warem. Navette et parking gratuit au départ du collège Saint-Louis. Bienvenue à tous. C'est beau donc c'est cher, les Wallons sont feignants, les seniors sont dépassés. Ça te fait bondir, non ? Si je te dis que chez Doravé c'est cher, ça devrait te faire le même effet. Ne te fie pas aux clichés, va vérifier. La vérité, c'est que chez Doravé, ils ont le sens du conseil, du service et du suivi client. Et c'est vraiment pas plus cher. Doravé, vente, installation et dépannage en électroménager. 5 boulevard Ranquignol à Liège, à deux pas de la Médiacité. Parking relax. La maison Doravé fait partie du groupe Sélection et ses 168 magasins en Belgique. Actuellement chez Casa, un banc en bois d'acacia à 49 euros seulement. Découvrez le nouveau dépliant sur casashops.com. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Comment bien manger quand... on est gourmand d'été. Alors là, je vois pas. Ah,